Chapitre 3e. La cour était installée au Sommerschloss, le séjour préféré de Christiane. Bien des causes avaient contribué à cette préférence. Jusqu'au lendemain de son mariage, la jeune reine était arrivée dans ses riantes habitations, construites dans le style de la Renaissance italienne. La vue de ses galeries légères, de ses pilastres superposés, de ses terrasses à balustres avait ravivé en elle toutes ses impressions passées. N'était-ce pas dans le pays du soleil qu'elle avait vécu auprès de son père proscrit? N'était-ce pas dans un palais presque semblable qu'elle avait grandi et souffert jusqu'au jour où Éric était venu l'arracher à cette existence incertaine? Et tout naturellement, elle s'était attachée à ce Sommerschloss qui, en lui rappelant les douleurs d'autrefois, lui faisait apprécier davantage les joies présentes. Pendant les 2 années de son bonheur, c'est là qu'Éric et elle venaient se renfermer, s'éloignant de la foule. Que de 12 heures ils passaient, oubliant tout si ce n'était qu'ils étaient jeunes et qu'ils s'aimaient, recommençant sans cesse ces naïves et sublimes redites dont ils croyaient ne jamais se lasser. Plus tard, lorsque, pour Éric, la lassitude était venue, Christiane, dans un premier mouvement de révolte, avait fui cette demeure peuplée de souvenirs. Peu à peu, toutefois, l'apaisement s'était fait, et aujourd'hui elle revenait sans répugnance sous ce toit où elle avait connu l'ivresse fugitive d'une passion partagée. Elle y revenait volontiers même, mais non plus pour y chercher la solitude. Maintenant elle y arrivait, escortée d'une cour nombreuse et, pendant toute la durée de son séjour, des séries d'invitations se succédaient de semaine en semaine. Faire partie d'une série était une faveur plus prisée encore que l'admission au petit mardi. Ici, par la volonté formelle de la reine, les lois de l'étiquette étaient moins sévèrement observées. Chacun jouissait de sa liberté, disposait de son temps à peu près à sa guise, et s'amusait d'autant mieux que les amusements n'étaient imposés à personne. Point n'y avait-il lieu d'inventer des indispositions subites pour se soustraire à la corvée de parties arrangées à l'avance. On n'était pas tenu d'aller en masse et à heure fixe explorer les environs et admirer telle cascade ou tel château en ruine. Mais les amateurs de ruines et de cascades avaient toute facilité pour satisfaire leur goût. Chevaux et voitures étaient toujours à leur disposition. Des cavalcades s'organisaient. On partait en bande, puis on ne tardait pas à se diviser en petits groupes, ou mieux encore à s'isoler dans le tête-à-tête. Tout cela était admis au cours de ces promenades qui, n'ayant pas le caractère d'un plaisir officiel, devenaient par là même un plaisir. Au repas, les règles de préséance étaient également suspendues. Une coutume immuable voulant qu'à table le roi et la reine fussent, non pas vis-à-vis mais à côté l'un de l'autre, on se contentait de choisir parmi les invités ceux que leur rang désignait pour occuper la droite et la gauche des souverains. Quant aux autres convives, ils se plaçaient à leur gré, sans tenir compte de la hiérarchie, les hommes se précautionnant d'avance d'une voisine de table, comme au bal, on se précautionne d'une danseuse de cotillon. Le soir, les tableaux vivants alternaient avec les sauteries au piano ou les charades improvisées. Cette dernière distraction avait les préférences, et c'était merveille de voir combien cette société aristocratique, née pour être amusée, déployait plus d'esprit et de finesse que n'en déploient la plupart des gens qui font métier d'amuser les autres. L'entrain de ces soirées complétait l'ensemble de cette vie facile dont la simplicité plaisait à tous. Depuis 8 jours, Ludmille était au Sommerschloss. La terreur qu'elle avait apportée de Felsenthal s'était évanouie devant l'accueil de la reine, devant son baiser de sœur. « Vous serez mon amie, n'est-ce pas, Ludmille ?» lui avait dit Christiane. Une reine en a bien peu, et peut-être en ai-je moins qu'une autre. Mais mon cœur me dit que je pourrais compter sur vous. » Puis elle-même avait expliqué à la jeune fille les devoirs de sa charge, qui différaient sur plusieurs points du service régulier des dames d'honneur. Le matin, elle devait se tenir à la disposition de Christiane, soit pour l'accompagner dans une promenade, soit pour recevoir ses instructions au sujet de lettres à écrire ou de réponses à faire. L'après-midi, elle était libre. À 5 heures seulement, elle reprenait son service pour assister au thé de la reine. Enfin, le soir, elle devait suivre celle-ci au moment où elle se retirait. Pour les invités, il leur était permis de prolonger la soirée même après le départ des souverains. Là se bornaient les fonctions de la jeune comtesse. Dès le premier soir de l'arrivée de Ludmille à la cour, elle avait été vivement commentée, et de la part des femmes, avec l'absence de bienveillance à laquelle sa beauté incontestable devait fatalement l'exposer. On critiquait la tranquille assurance de son attitude, on l'eût voulu plus intimidée, plus soucieuse de se faire bien venir. Jolie, oui, peut-être, mais son éclat ne durerait pas. Ses physionomies mobiles vieillissent si vite. À 30 ans, elle serait flétrie. Il n'en resterait plus rien. Oh, mais plus rien du tout. Les hommes, est-il besoin de le dire, ne jugeaient pas de même, et sans doute leur indulgence contribuait-elle beaucoup à l'acharnement du camp féminin. Quant à celle qui alimentait la controverse, elle s'était rapidement convaincue qu'elle ne s'acclimaterait jamais dans ce milieu auquel elle était étrangère, sinon par sa naissance, du moins par son éducation et par ses goûts. Mais la pensée de Christiane la soutenait. Celle-ci lui tiendrait lieu de tout. Être auprès d'elle, la voir accomplissant sans défaillance, et aussi, hélas, sans illusion, sa tâche héroïque, n'était-ce pas le plus précieux des encouragements et des exemples? Et si Ludmi, à force de dévouement, pouvait lui faire sentir qu'elle n'était pas seule, que quelqu'un à ses côtés l'admirait et la comprenait, ne serait-ce pas une récompense, au-delà même du sacrifice de vivre dans cet entourage frivole, d'assister à l'étalage de mesquines prétentions, de rivalités puériles? Tout cela, elle le regarderait de haut, comme le lui avait dit l'abbé Reichardt, ou plutôt, elle fermerait les yeux pour ne pas boire. Et elle croyait de bonne foi que le monde la laisserait faire, ne sachant pas que ce qu'il pardonne le moins, c'est qu'on le dédaigne ou l'ignore, qu'il se venge par de perfides blessures du mépris qu'on ne prend pas le soin de lui déguiser. La nouvelle demoiselle d'honneur, ses qualités et ses défauts, avait été pendant quelques jours le sujet unique de discussion, mais aujourd'hui un autre thème défrayait les bavardages. On annonçait pour le soir l'arrivée du prince Ewald, et cette visite inopinée, si en dehors des habitudes du prince, causait grand émoi. Que signifiait cette démarche courtoise au lendemain d'un discours qui avait tous les caractères d'un acte d'hostilité? Le prince revenait-il à récipiscence? Allait-il abjurer sa politique à côté? Voulait-il au contraire peser sur l'esprit du roi pour l'engager dans des voies libérales? Quoi qu'il en fût, c'était une véritable bonne fortune pour la série qu'elle ait assisté à son entrée en scène. Ce serait amusant aussi d'observer sa manière d'être vis-à-vis de Ludmi. À tort ou à raison, la nomination de la comtesse avait été interprétée comme un défi jeté par la reine à son beau-frère. Certes, il ne serait guère de la dignité du prince de relever le défi par une attitude blessante pour la jeune fille. Mais avec Ewald, on pouvait s'attendre à tout, il ne faisait rien comme les autres. La curiosité en éveil se promettait 1000 surprises. Les initiés au secret de la politique savaient que ce rapprochement était le résultat de l'essai de conciliation tenté par le duc de Leuven. La tentative n'avait eu qu'un demi-succès. « Je doute, » avait répondu le prince Ewald, « que nous puissions jamais arriver à une conformité de vue. Nos points de départ sont trop opposés. Mais je ne veux pas que le roi et la reine m'accusent d'opposition systématique. Je me prêterai donc volontiers à toutes les entrevues qu'ils désireront. » À la suite de cette déclaration, il avait promis de passer une semaine aux Sommerschloss. La reine ne le voyait pas venir sans effroi. Avec son éloquence entraînante, mise au service d'une volonté qui allait droit au but, il obtenait une influence dangereuse sur le roi dès qu'il lui était donné de l'approcher. À la voix de son frère, Éric allait s'enflammer, et il ne rêverait plus que concessions et réformes, et il faudrait alors que Christiane intervînt, qu'elle s'appliquât à combattre une à une toutes ces funestes utopies. Dieu sait l'horreur qu'elle ressentait pour ce travail ingrat. À envisager ce côté unique de la situation, mieux eût valu 100 fois tenir Ewald à l'écart, mais en était-elle maîtresse? Pouvait-elle s'en faire un ennemi déclaré? Non. Il fallait le ménager jusqu'au bout, recourir à tous les moyens pour prévenir une rupture. Le prince arriva un peu avant l'heure du dîner. Christiane, entrant dans les salons, pâlit en le voyant s'avancer à sa rencontre. Hélas, on comprenait trop à le voir la séduction qu'il devait exercer, ce prince si jeune, si fort dans l'élancement souple de sa haute taille, portant si fièrement sa belle tête de médaille romaine. Ne sentait-on pas l'autorité de son geste, dans la clarté dominatrice de son regard, dans toute sa personne, enfin, qu'il était né pour le pouvoir. Quelle merveille que le peuple en jugea ainsi, et une âpre rancœur envahissait la pauvre femme, une colère sourde l'étreignait, tandis qu'elle lui tendait sa main blanche et l'accueillait de sa voix grave. « Vous êtes le bienvenu, mon frère. Nous sommes heureux de vous voir ici. » À table, ce soir-là, il y eut moins d'entrain que de coutume. Malgré tout, on était gêné par la présence d'Ebald. La menace d'un incident possible planait dans l'air et quoi qu'on l'attendît, qu'on l'espérât même, on redoutait de le voir se produire. Les conversations particulières se poursuivaient à bâtons rompus, tandis que le prince, seul à son aise au milieu de la contrainte générale, s'entretenait avec Christiane sur ce ton de gaieté communicative qui, lorsqu'il lui plaisait de l'adopter, faisait de lui le plus fin et le plus spirituel causeur. Ludmi, placée à peu de distance, l'étudiait avec une attention ardente. C'était donc là, ce prince Ewald, l'agitateur néfaste, l'ennemi du père qu'elle avait tant aimé. Involontairement, ses yeux se mouillaient en songeant à cette noble et grande figure s'éteignant dans l'exil, prophétisant de sa voix brisée les mots que l'homme, assis là, en face d'elle, déchaînerait sur un pays aveugle. Comme elle les avait recueillis, ces prédictions solennelles, comme son âme avait vibré à l'unisson de la haine qui en découlait. Et maintenant que le hasard la mettait en présence de cet homme fatal, elle s'étonnait, le voyant tout autre qu'elle se l'était figuré, plus beau d'abord, puis si affable, si insinuant de forme, alors que son imagination prévenue le lui avait montré cassant, hautain, presque brutal. Bon, qu'est-ce que cela prouvait? Après tout, sinon qu'il savait, à l'occasion, joindre l'hypocrisie à ses autres défauts. Cette bonhomie de surface pouvait peut-être entraîner certains esprits crédules, mais elle ne trompait pas ceux qui pénètrent les intentions secrètes. Elle les révoltait au contraire, comme doivent révolter la fausseté et le mensonge. Une voix à son oreille vint couper court à ce soliloque. « Me permettrez-vous, comtesse, d'interrompre vos méditations ? J'ai honte de mon audace, mais avouez que je serais coupable de vous voir mourir de faim sous mes yeux sans faire un effort pour vous sauver. » Ludmi se retourna pour rencontrer le charmant sourire du duc de Leuven. Dans son abstraction, elle oubliait qu'elle l'avait pour voisin, et cependant, de tous les hommes de la cour, il était le seul qui eût ses sympathies. Elle devinait un front énergique sous cette apparence blonde, un peu efféminée. La franchise de ses yeux bleus lui inspirait confiance. Elle sentait qu'il devait être bon de l'avoir pour ami. « J'ai apporté ici mes habitudes de recluse, » dit-elle en rougissant de sa distraction. « J'oublie par instant que je ne suis plus dans ma solitude de Felsenthal. » « Et c'était à Felsenthal que votre pensée vous transportait tout à l'heure ?» interrogea le jeune homme. La déférence un peu attendrie du regard atténuait l'indiscrétion de la demande. Ludmi secoua la tête. « Non. » Le sujet de mes réflexions est beaucoup plus près de nous. » Une expression fine traversa la physionomie du duc. « Vous cherchez à débrouiller un problème, comtesse. Puissiez-vous être plus habile que moi? Voilà tantôt 5 ans que j'en poursuis la solution, et je suis aussi avancé qu'au premier jour. « Oh, je ne renie pas mes convictions, » ajouta-t-il. « On vous a dit que j'étais ébaldiste, et on a eu raison de vous le dire. » Mais à certaines heures, ma foi m'échappe. Quand je vois cette merveilleuse intelligence qui s'égare et qui égare les autres, qui crée comme à plaisir les difficultés et les dangers, je me demande si des facultés brillantes, une imagination vive, un cœur généreux même, ne sont pas des qualités que le ciel, dans l'intérêt des peuples, devrait refuser à un prince. Vous croyez au cœur généreux du prince Ewald ? Dit Ludmi d'un ton où perçait l'amertume. Le duc la regarda étonné. Je n'ai jamais mis sa générosité en doute. La jeune fille eut un imperceptible haussement d'épaule. Vous êtes son ami. Le monde en général le juge avec moins d'indulgence. Le monde ne le connaît pas, protesta le duc avec vivacité. Il voit ses actes et non ses intentions. Que les uns ne répondent pas toujours aux autres, c'est ce que personne ne déplore plus que moi-même. Le dîner s'achevait. On passait dans la galerie des glaces, une longue salle imposante avec ses grandes baies à arcades et ses fresques célèbres attribuées à Carache. C'était là qu'on se tenait les soirs de sauterie. on abandonnait aux danseurs le milieu de la galerie, tandis que les gens plus sérieux, ou moins attirés par le plaisir de la danse, se mettaient à l'écart dans les embrasures profondes des fenêtres dont les renfoncements formaient autant de petits salons séparés. C'était ce que, dans le style familier de la cour, on appelait les confessionnaux, les mauvaises langues ajoutant que, souvent dans ceux-ci, se préparaient les aveux qu'il s'agissait plus tard de faire dans les autres. Ce soir, la sauterie s'annonçait languissante. Décidément, le prince Ewald paralysait la gaieté et trompait toutes les espérances qu'on avait fondées sur lui. On croyait assister à quelques pièces piquantes et inédites, et voilà que le rideau ne se levait même pas. Le prince avait été poli pour tous. La reine ne paraissait ni agitée ni inquiète. Ludmie, fort tranquille, causait avec la marquise de Rheinfels, sans avoir l'air de supposer que sa présence pût désobliger son Altesse. En un mot, les choses se passaient le plus platement du monde. La soirée, il est vrai, n'était pas finie, mais le découragement s'en mêlait. Le roi, la reine et Ewald, installés dans un des confessionnaux, s'entretenaient avec tous les dehors d'une parfaite entente, et voyant que la conversation menaçait d'être interminable, les curieux se détournaient, mécontents d'en être pour leurs frais de curiosité. Par contre, la partie jeune retrouvait son humeur joyeuse. Maintenant, le cotillon commençait, et les jeunes femmes qui, jusque-là, avaient cédé la place aux jeunes filles, venaient se mêler à elles pour accorder à leur valseur de choix la faveur d'un extra tour. Les figures succédaient aux figures, et c'était un gai coup d'œil que celui de ces couples emportés par le tourbillon, l'uniforme foncé de la garde royale contrastant joliment avec les fraîches toilettes printanières. Christiane, appuyée au bras du prince, s'était rapprochée, et pendant qu'elle suivait avec bienveillance les ébats de cette insouciante jeunesse, Ewald avait les yeux fixés sur une jeune fille qui, un peu en dehors du cercle, parlait au duc de Leuven, debout à côté d'elle. Vêtue d'une simple robe de voile, dont le blanc mat s'harmonisait bien avec la transparence diaphane de son teint, elle portait pour tout ornement quelques fleurs naturelles qui se perdaient dans ses cheveux bruns, mettant une note claire dans leurs épaisses torsades. Son expression de mélancolie dédaigneuse laissait deviner qu'elle prenait peu de part à l'animation qui l'entourait. « Je ne me souviens pas d'avoir jamais rencontré cette jeune fille, » dit le prince en la désignant à la reine. « N'est-ce pas la comtesse Ludmie de Held ?»« Elle-même, » répondit la reine avec une légère hésitation. « La pauvre enfant est encore toute dépaysée à la cour. Elle y vient pour la première fois. »« Elle ne paraît pas dépaysée, » dit le prince qui continuait à la regarder. « Autant que je puis en juger d'ici, elle rappelle beaucoup le ministre. C'est le même front éclairé, le même regard un peu impérieux, la même bouche mobile. S'il ressemble à son père au moral comme au physique, ce doit être une personne fort remarquable. » Il parlait avec chaleur, comme voulant bien affirmer qu'il dédaignait de reporter sur la fille l'animosité dont il avait poursuivi le père. Christiane vit là un gage de disposition pacifique. « Désirez-vous, mon frère, que je vous la présente ? J'allais vous le demander. » La reine fit signe à Ludmie qui s'approcha frémissante. L'instant redouté était venu. Il fallait qu'elle se courbât avec l'apparence du respect devant celui que toute sa vie, sans le connaître, elle avait haï et redouté. Malgré elle, après s'être inclinée, elle rejeta la tête en arrière comme pour protester contre la déférence de son salut. Le prince mettait une sorte d'affectation à causer longtemps avec elle. Y trouvait-il du plaisir ou lui convenait-il de donner à toute la cour une preuve bien nette de son humeur conciliante ? Ludmie, les lèvres serrées, ne répondait que par monosyllabes. Ewald observait son émotion, ne sachant s'il devait la mettre sur le compte de la timidité. Il n'y avait pourtant rien chez cette femme à l'expression altière, au geste calme, qui révélât une nature de pensionnaire impressionnable. Ce trouble devait provenir d'une autre cause qu'il ne saisissait pas, mais qui l'intéressait comme une énigme dont on cherche le mot. « Elle n'est pas comme les autres, » se disait-il, tout en continuant à haute voix sa causerie banale. « Il doit y avoir des trésors de pensée et de volonté sous ce front impassible. Eh bien, si je puis arriver à fondre sa réserve, ma semaine ici sera moins ennuyeuse qu'elle me promettait de l'être. » À défaut de bonne besogne gouvernementale, je ferai une étude psychologique qui en vaudra la peine. Les jours suivants, toutefois, le prince dut reconnaître que les occasions d'étudier Ludmie n'étaient pas faciles à créer. D'ailleurs, d'autres soins l'absorbaient. Il avait été convenu que son séjour au Sommerschloss serait consacré à la rédaction d'un programme politique. Christiane se cramponnait à l'espoir que ce programme, nettement tracé et fraîchement accepté, supprimerait à l'avenir, sinon toutes les divergences, du moins ce dualisme de direction qui, tant de fois, avait jeté le désordre dans l'esprit public. Les après-midi se passaient en conférences, maintenues de part et d'autre sur un ton amical, mais dans lesquelles on avançait bien peu. Ainsi que l'avait prévu la reine, Éric se laissait enthousiasmer par la parole de son frère. En l'écoutant, tous ses anciens plans de régénération sociale lui semblaient si simples de réalisation qu'il s'indignait lorsque Christiane, écartant les paradoxes, le ramenait à la raison des choses, déterminait quel était le bien possible à concevoir, possible à exécuter. On perdait ainsi de longues heures en discussions brillantes et stériles, et tout portait à croire qu'on se séparerait sans avoir adopté aucune résolution pratique. Le mieux qu'il était permis d'espérer, c'est qu'on ne se brouillerait pas tout à fait et que cette réconciliation ostensible serait d'un heureux effet vis-à-vis du pays. Et ainsi on arriva à la veille du jour auquel le prince Ewald avait fixé son départ. Le soir, on célébrait le 30e anniversaire de la naissance de Christiane. Dans le métier de souverain, il faut faire abstraction des petites vanités, et une reine ne peut jouir du bonheur qu'éprouvent les simples mortels à dissimuler leur âge. Elle y gagne sans doute que la vérité étant connue, on ne saurait charitablement la vieillir d'une demi-douzaine d'années, comme on le fait pour les femmes qui s'imaginent tromper leur monde. À peser le pour et le contre, peut-être sur ce point comme sur bien d'autres, la sincérité est-elle le meilleur calcul? Le feu d'artifice traditionnel devait être suivi d'une opérette jouée par les invités et dans laquelle Ludmie, à son corps défendant, avait accepté de paraître. On s'était adressé à elle in extremis. La marquise de Rheinfels, qui jouait le rôle principal, avait été prise, dans les trois derniers jours, d'un enrouement opiniâtre qui la privait du mince fil de voix qu'elle comptait mettre à la disposition du public. Et parmi toutes les autres femmes, pas une qui possédât l'équivalent de ce filet infinitésimal. L'embarras était au comble lorsqu'un trait de lumière traversa le cerveau de la marquise. Peut-être Ludmie ? Et ayant obtenu de la jeune fille l'aveu qu'elle savait chanter, elle lui avait démontré victorieusement qu'elle ne pouvait refuser son concours. Cela ferait manquer la surprise qu'on préparait à la reine. Tout, excepté cela. Et la petite marquise, n'ayant aucune jalousie dans le caractère, devenait éloquente. Si Ludmie chantait mieux qu'elle, ce qui, elle en convenait franchement, n'était pas difficile, elle serait la première à l'applaudir. Ainsi mise au pied du mur, Ludmie avait cédé. Très musicienne, très maîtresse de sa voix, elle avait su, en deux ou trois répétitions, s'assimiler sa partie et elle arrivait au soir de la représentation avec une tranquillité qui lui assurait d'avance le succès. La timidité qui n'est la plupart du temps qu'un excès d'amour-propre n'existait pas chez cette nature à la fois exempte de faiblesse et de prétention. Un léger murmure approbatif s'éleva dans l'assistance lorsqu'on vit paraître la jeune fille en marquise du grand siècle. La lourde robe de satin panier seyait bien à l'élégance flexible de la taille. Sous la coiffure poudrée, l'arc foncé des sourcils se détachait très pur. Le regard brillait d'un éclat plus profond. La lèvre se dessinait fine et colorée. La physionomie tout entière avait je ne sais quoi de chaud et de vivant que la raideur majestueuse du costume accentuait davantage. En face de cette perfection de jeunesse et de beauté, les petites jalousies féminines devaient s'avouer vaincues. Sentant la critique impossible, elles faisaient vertu de nécessité tout en ne négligeant pas la flèche du part. Incontestablement, elle était fort belle, mais que d'aplomb pour une jeune personne. Si on n'était pas sûr de ses tenants et aboutissants, ce serait réellement à croire qu'elle avait passé toute sa vie sur les planches. Et ce fut pire encore lorsque la voix de Ludmie s'éleva, vibrante et suave, remplissant de son harmonie les extrémités les plus reculées de la salle. Mon Dieu ! Mais c'était inconvenant qu'une femme du monde chantât comme une artiste de profession. et cela sans trouble, sans effort, sans une défaillance qui pût donner à l'auditoire la satisfaction de constater qu'elle avait peur. Non, elle était visiblement en pleine possession de ses moyens. On eût dit qu'elle se complaisait dans son talent, que les assistants n'existaient pas pour elle. En vérité, c'était d'une inimaginable audace. Toutefois, ses commentaires, échangés à la sourdine, ne pouvaient rien contre le sentiment universel d'étonnement et d'admiration. La reine, en outre, donnait le signal des applaudissements. Son beau visage brillait d'une surexcitation inusitée. Le succès de Ludmi était pour ainsi dire le sien. Et lorsque l'opérette terminée, la jeune fille est reparue dans la galerie des glaces où la soirée devait s'achever par un bal, Christiane, l'appelant auprès d'elle, lui mit un baiser au front. Cette faveur, rarement accordée, donna à réfléchir à tous. Il fallait se rendre à l'évidence. La nouvelle demoiselle d'honneur devenait une puissance. Et les plus réfractaires, dociles à l'exemple royal, se pressaient autour de Ludmi, l'accablant de compliments hyperboliques qu'elle accueillait froide et indifférente. Dans ce concert d'éloges qui bourdonnait à ses oreilles, pas une note n'allait à son cœur. Tout cela sonnait à faux. Soudain, cette salle étincelante, remplie de parfums, disparut. Elle ne percevait plus les sons de l'orchestre se confondant avec les paroles flatteuses. Son imagination la transportait au presbytère de Felsenthal. Elle voyait la petite paralysée lui tendant ses bras maigres, ses traits creusés rayonnant de tendresse, et en même temps, elle entendait les conseils du Saint-Prêtre, sa recommandation au moment de l'adieu. « Si vous avez besoin d'un dévouement, Ludmi, retournez-vous vers celui qui vous aime d'un cœur paternel. » Ah oui, là était le soutien, là le refuge. Et revenant à la réalité, un frisson parcourut tout son être. La vision avait fui. Le prince Ewald était devant elle et la considérait avec curiosité. « Votre triomphe ne vous inspire pas des pensées bien riantes, comtesse, » disait-il avec un sourire moitié indulgent, moitié railleur. « Ne savez-vous donc pas que vous avez réussi en une heure à subjuguer toute une cour tout entière, songez-y. Tant d'admiration désintéressée et compétente. Votre ambition est-elle si démesurée qu'une pareille conquête ne lui suffise pas ?» Ludmi était debout. L'attendrissement qui tout à l'heure adoucissait son regard avait fait place à un feu sombre, presque méchant. « Mon ambition, monseigneur, se contente tout à fait de l'approbation du monde qui est le mien. Je ne suis nullement soucieuse d'obtenir celle des autres. » Le prince eut un léger soubresaut de surprise. Il se remit aussitôt et continua, souriant toujours. « Les autres, comme vous dites, peuvent parfois être bons juges. Le mérite, vous voudrez bien l'admettre, ne s'était pas indispensablement sur des quartiers de noblesse. » « À coup sûr, monseigneur. » Pas plus qu'il n'est l'apanage exclusif de ceux qui n'ont pas de naissance. Savez-vous, comtesse, que je vous soupçonne d'être une terrible réactionnaire ? Ludmi changea de couleur. Votre Altesse daignera se souvenir que je n'ai pas été formée à une école libérale. Le ton de plaisanterie expira sur les lèvres d'Ewald. Vous me pardonnerez, comtesse, d'avoir pu un instant l'oublier. Il s'inclina avec un geste courtois, auquel s'ajoutait une nuance de hauteur, puis se détourna sans chercher à prolonger l'entretien. Tout en s'éloignant, il réfléchissait. Son père lui apprit à me haïr. C'est dommage. Elle est la seule ici qu'on aimerait avoir de son côté.